Existe-t-il, dans le pistil d'une fleur, la moindre étincelle, la plus petite lueur, d'une négation à l'horizon, d'un pétale qui dit non? La fleur ne pense pas, ne s'identifie pas, et pour autant déploie toute sa beauté. Elle vibre, grandit, se nourrit jusqu'à son trépas, colore la vie de sa délicate présence manifestée. L'ego est une énigme pour cette demoiselle. Contrairement à nous, les humains, qui nous coupons les ailes, on s'emprisonne dans une terre aride et desséchée, irriguée par la peur, projection empoisonnée. La négation coule dans les veines de l'ignorance, à partir d'une communication limitée et errance, d'une vision périmée de l'existence, d'un état contracté de l'impuissance. Et maintenant, on doit apprendre à dire non en riant. Transformer l'amour pour idiot et malentendant, ceux qui ne comprennent pas et profitent en mordant de la grâce divine, de l'unique, cet unique moment. Continuez à dire oui à la vie, à l'extase et à la béatitude. Ne changez en rien vos habitudes. Celle de dire oui avec le cœur pour exprimer la négation, cette magnificence qui transcende toutes les vibrations.